Je vais entrer dans un lieu dit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois ralentir. Oui, réponse C. Non, réponse D.